Sina mote mana kokendenga moye binzembo lokolo kena yo yotinga na bana nani akopokolo famiango amizi zamoye mambo moto songela ngobolimo nano natonite amurango amizi nasali alanga nzembo nasaka sena loyembo nakokende kolela zamba nyonso lokolo kena yo banza kanga amizi Bangala na Paris Mon cousin attaque Ramassé, ce n'est pas volé Balle, balle, je le balle pépé, va casser, va casser. Le suivant. Pas de peine, pas de peine. Qu'on a fait ça n'ayant chéri à Haïti, au dosité, à misidié. L'okolo kenayo, yotikingana bana, nani ako bokolo, fami ango amisi. Somole mapamoto, songela ngo polingo, nani on a donité, l'amour ango amisi. Amisi na masika. Pampa sina moti mana kokenenga moye mizembo. Loko loke na yo, yoti kina na bana. Nani ako boko lo, fami yango amisi. Somo le mambo moto, songe lango kujimu. Nano na tonite, la murango amisi. Nazari alanga nzembo, nasaka sena lo himbo. Nako kende kule la zamba nyoso. Loko loke na yo, banza kama amisi. Mambo, o pepe la tu sa gali bota na foto eh. Pepe kitete kitete. Oh, oya nana. Oya nana. Kona Didi, allez papi, Orisa Anderson. Hey Jew, Donado, Donado. Hey Muka, Kali, Kali. Financer, financer, financer. Jamais, jamais, jamais.